le 6 mars au Metropolis, présenté par Greenland et Evenco. Vous cherchez la place à Montréal pour vous entraîner, nager, pratiquer votre sport préféré? Rendez-vous au CEPSUM. Surtout si vous êtes diplômé de l'UDM, HEC ou Poly, puisque vous profitez d'un rabais de 20% sur tous les forfaits d'abonnement. Renseignez-vous à cepsum.umontréal.ca. À l'Abreuvoir, on sait que la sortie du jeudi, c'est pas pour les petits joueurs. C'est pour ça que le jeudi, attention, on sort nos canons. Commande ta grosse tremblée ou ta swing top dans le pub et on te la sert dans le rock. Avec deux grosses pointures comme Grolsch et Tremblay dans la place, on n'a pas le choix de t'offrir les deux ambiances, pub et club. Tu veux chauffer le plancher de danse? Alors prends ta grosse ou pop ton top. Les feux de la rampe t'attendent tous les jeudis à l'Abreuvoir. Abreuvoir. Pub, club, terrasse, 403 Ontario-Est. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir, mon nom est Jean-François Lusignan, vous écoutez l'émission Le Terminus, on est le 23 décembre. Il se pourrait que qu'on soit également le 30 décembre parce que l'émission de ce soir enregistrée en direct sera également diffusée la semaine prochaine ou ce soir le 30 décembre, donc vous avez compris. Ce soir, émission spéciale 2013, j'ai décidé de retourner dans ce qui était tourné au courant de l'année, qui était des productions de l'année 2013, et de vous faire tourner ce que j'avais aimé cette année. Donc, 11 artistes anglophones et 4 artistes francophones que vous allez entendre dans la prochaine heure, tous des artistes à peu près indie rock. On va commencer avec la formation Giant Drag, le groupe de Annie Hardy et Mika Calabrese, qui ont sorti, 8 ans après leur premier album, un deuxième album qui s'appelle Waking Up Is Hard to Do, album qui faisait suite à Hearts and Unicorns, sorti donc 8 ans auparavant, un album qui aurait été difficile, il semblerait, à sortir justement en raison, entre autres, des problèmes personnels des membres du groupe. On va passer sur les détails, mais on commence vraiment à l'instant là avec un groupe anglais qui s'appelle Just Handshakes. Ils ont partagé justement la scène cet automne avec Giant Drag. Ils sortaient, eux, cette année, l'album Say It, premier album donc disponible sur Bleeding Gold Records, super label cool de San Diego, si je me trompe pas. Et groupe, contrairement à la musique que je fais jouer habituellement, en fait, groupe assez cute. Vous allez voir, la voix de la chanteuse est assez délicate, donc pas très dangereuse. On va entendre la chanson Dead and Alive, donc de Just Handshakes, à l'instant, à l'émission Le Terminus. Another cigarette. Un groupe de Brooklyn, c'était Aye Nako avec What's Eating Me, groupe qui aura sorti cette année un premier album appelé Unleash Yourself, qui aura fait suite à un démo qui était assez prometteur, qu'on avait entendu en 2010. Et leur album, donc, je le disais, Unleash Yourself, est disponible gratuitement sur leur site internet. C'est, je crois, le ayenako.org ou .com, quelque chose comme ça. De toute façon, la liste de toutes les chansons et artistes que vous aurez entendus dans l'heure sera disponible à la fin sur le CISM893.ca, comme d'habitude. Et avant ça, on entendait Giant Drag avec Garbage Heart et on avait débuté le segment avec Just Handshakes et la chanson Dead and Alive. Et je viens de remarquer que les sept premiers artistes ou groupes qu'on entend dans l'émission de ce soir, ce sera tous des groupes menés par des filles. Donc, peut-être en même temps, une tendance en 2013, de plus en plus de groupes qui rock avec des filles qui chantent, donc des filles qui rock en même temps. Donc, c'est ça, pas d'autre chose à dire là-dessus. On va continuer donc avec un autre groupe qui est mené par une fille, un groupe qui s'appelle Roberta Bondar, quatre jeunes gens d'Ottawa, qui forme une scène Ottawa qui est quand même une scène qui est de plus en plus intéressante. Il y a entre autres autres groupes de là de Yips et aussi Queen Quet, Queen comme le jeu, j'ai oublié le nom. On pourrait me le dire. On écoute Roberta Bondar. Ils ont sorti un EP cette année qui s'appelle Is. On écoute la chanson Salt à l'instant sur les ondes de CISM. C'est ça. like I'm not attracted. That's what you said once. C'était bon, ça, c'était Speedy Ortiz et la chanson Plout, tirée de l'album Major Arcana qu'ils ont sorti en début d'année dernier. J'ai reçu le groupe même cet automne en entrevue, et c'est très entrevue très intéressante, en fait, ils sont très sympathiques. Ils faisaient cette occasion-là, ce soir-là, en fait, la première partie de Chelsea Light Moving Group, nouveau groupe de Thurston Moore, donc ancien Sonic Youth, donc, et Speedy Ortiz, qui fait partie de ce contingent de groupes inspirés de la musique, du rock alternatif, de l'indie rock des années 90, on pense à Pavement, entre autres. Juste avant, notre groupe dans les mêmes sonorités, c'était Bleeding Rainbow qu'on a entendu, la chanson Pink Rough de l'album Yeah Right. Eux aussi sont passés en ville cette année, ils ont fait un spectacle en juin dernier au Il Motore. Ils avaient en première partie un autre groupe féminin assez intéressant, je vous invite à regarder ça, Fat Creeps. Et Bleeding Rainbow en spectacle un peu plus shoegaze que sur disque, là, donc c'est le côté de leur musique qui ressort le plus. Donc si jamais ils repassent en ville, je vous invite fortement à aller voir. On avait commencé le segment avec Roberta Bunder, formation de Ottawa. Et je vous cherchais le nom tout à l'heure de l'autre groupe d'Ottawa qui était à surveiller, mais c'est King's Quest, donc qui ont sorti également de la musique cette année. Je vous invite à aller voir ça. On continue avec un groupe cette fois-ci espagnol. Groupe inspiré pas mal, beaucoup influencé par Sonic Youth également. Ils ont sorti cette année l'album Victoria Mystica. On écoute la chanson Ellas se burlaron de mi magia. Tout ça à l'émission Le Terminus. Yeah. Jusqu'à 20h, vous écoutez le Terminus spécial, le meilleur de 2013. album, leur album Shiver sortait en janvier dernier. C'était Femme Accident avec Pictures et donc Femme Accident groupe local. C'est un trio même. Pour plus d'informations, ben allez sur le femmeaccident.bandcamp.com même pour entendre l'album au complet. Super bon shoegaze local. Avant ça, c'était Primal Scream et la chanson Hit Void. On avait débuté ça avec Triangulo de Amor Bizarro, formation espagnole qui est rock en espagnol, et la chanson Ellas se burlaron de mi magia, si je prononce bien. On continue maintenant avec un trio en français. J'entends dans le prochain segment une formation française qui s'appelle Rhume, des françaises qui s'appellent elles Décibel, mais on commence avec un gars de La Place. Il sortait il y a quelques semaines trois albums, dont un qui s'appelle LP5 Thérapie. On écoute à l'instant Navet Confit et sa chanson Rebound. Tout ça sur les ondes de CISM. Qui sexuels se mangent les muscles. Ils se font des signaux avec de petits sifflets qui cachent dans leurs poches. Ils disent chez eux qu'ils partent au cinéma, à la chasse ou à la pêche. Mais en fait, ils vont chercher du champignon. Et pas n'importe quelle sorte, du champignon très peu forestier. Quoique de plus en plus, parce qu'il y a une sorte de migration des germes, de l'humus jusqu'au pubis. C'est pas la vérole, non, ils ont leur gland vert bleu pétrole. Des lucioles d'aurore boréale qui crachent chaque victoire dans le ciel. Ils sortent une journée de travail, usés, stressés, fatigués. Alors il faut le calme, l'apaisement d'un bois musqué pour donner l'espace de détendre leur gaz. Au mois d'avril, c'est ce phénomène qui provoque le mouvement, la frise du temps. Et le petit manège tourne comme un règne indépendant. Et le petit manège tourne comme un règne indépendant. Et le petit manège tourne comme un règne indépendant. Dans ce bois abandonné, des homosexuels se mangent les poches. Ils se font des signaux avec de petits sifflets qui cachent dans leurs muscles. Ils disent chez eux qu'ils partent dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Rhume. Venez d'entendre Rhume, une drôle de bibitte en provenance de France, qui a sorti cette année un premier album qui porte leur nom, Rhume. C'est disponible sur le rhumrhume.bandcamp.com. On a entendu la chanson Les Bagneaux. Et c'est ça, c'est un groupe qui fait un mélange assez intéressant entre le rock et le hip-hop. Ça donne quelque chose de super original, intéressant. On a entendu, juste avant, c'était Décibel avec mes préférés. Il pleut des noix de coco, chanson qui permet de faire un petit changement dans le son justement du groupe, qui marque un changement en fait, parce qu'auparavant c'était beaucoup plus rentre-dedans, et là ils ont apporté un côté plus mélodique qu'on pourrait dire, ou plus, même des chansons un peu plus longues également. Et également aussi, autre changement, des chansons en français, donc ça évolue rapidement ce groupe-là, Décibel. Et on avait débuté le segment avec Neve et Confit et sa chanson « A Rebound ». Le spécial de Best of ou le meilleur de 2013 du Terminus achève bientôt. On a encore le temps pour quelques chansons. On continue avec un duo dans lequel vous allez entendre Michael Cronin, mais on commence avec Beach Fossils qui ont sorti cette année l'album Clash the Truth. On va entendre la pièce Crashed Out. Et si vous avez aimé l'album Clash the Truth, le groupe a sorti en novembre des démos de cet album-là, donc des versions un peu plus brutes. Qui ont été enregistrés entre autres avec un drum machine juste avant que le groupe fasse appel à un batteur de façon régulière, batteur qui a ensuite suivi le groupe en tournée, donc on peut découvrir les chansons à leur état un peu plus brut. Donc ça s'intitule je crois Clash the Truth Demo, quelque chose comme ça. Donc on écoute à l'instant une chanson elle qui est la version finale qui figure sur l'album en tant que telle, Crashed Out Beach Fossils. On écoute ça à l'instant. Yeah. Monsieur Michael Cronin, Shout It Out, de son album, son deuxième album, qui est sorti plus tôt cette année. On avait commencé avec Beach Fossils, Crashed Out. Dans quelques instants, ça sera Roman Blouin qui sera avec vous. Restez là vraiment, parce que c'est l'émission Nous sommes les rockers. Je crois qu'elle va également vous présenter ce qu'il a allumé cette année. Et c'est pourrait que, si vous êtes actuellement le 30 décembre, que cette émission soit une reprise. Donc, si c'est le cas, ben, je vous dis allô. Sinon, l'émission, elle a été enregistrée en direct le 23 décembre. La liste des chansons que vous avez entendues pendant la dernière heure se retrouvera dans quelques instants sur le CISM893.ca. Il y a toujours les archives de l'émission sur leterminus.ca, qui est vraiment le point de départ pour tous les différents sites sur les réseaux sociaux, Tumblr, Facebook, Twitter, etc. On va se quitter avec la musique de Crab, formation locale qui sortait en janvier. L'album mort de fraîche date. Ils ont d'ailleurs de la nouvelle musique qui devrait sortir au début de 2014. Restez à l'affût. Comme d'habitude, on écoute leur chanson Nouveau document de Crab. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et on se reparle pour la prochaine émission. Ça sera le 6 janvier prochain, 19h, pour une autre émission du Terminus. Ciao! De CISM a été remasterisé. Visite la nouvelle plateforme en te dirigeant au CISM893.ca. Tu pourras ainsi écouter la marge en direct sur ton ordinateur, ton téléphone et ta tablette. Ne manque plus tes émissions favorites grâce aux archives et à l'écoute sur demande. Gagne des billets en participant au concours, découvre de nouvelles émissions en lisant nos actualités, achète ta musique via notre palmarès, télécharge ton application mobile et beaucoup plus au CISM893.ca. CISM893.ca, aucun algorithme, des centaines d'animateurs. Ben voyons donc, va mon cœur. Où est-ce que t'as trouvé toutes ces belles bières-là? Quoi? Tu connais pas l'épicerie? Veux-tu une bière? C'est plus de 250 des meilleures bières du Québec, dont plein que tu connais pas, Robopat. Ben quoi? Ils vendent juste de la bière? Négatif, Robopat. Tu peux aussi trouver fromage, charcuterie, cidre et plein d'autres produits locaux. Tout ça au 372 rue de Liège-Est, coin de Saint-Denis, juste au sud de la métropolitaine. La traditionnelle tournée des fêtes de Mononcle Serge s'arrêtera cette année au Club Soda dimanche le 29 décembre à 21h. Derrière sa contrebasse et flanqué de deux guitaristes, le tonton chantant interprétera ses vieux succès et des chansons de son nouvel album « Pourquoi Mononcle Serge joue-tu du rock'n'roll? » Mononcle Serge et son trio acoustique, c'est la meilleure façon de faire sortir le méchant pendant vos vacances de Noël. Et c'est le 29 décembre à 21h au Club Soda. En première partie, Andreas et Nicolas.